Chapitre 88. La recommandation de dire de bonnes paroles et d'accueillir les gens avec un visage souriant. Allah Ta'ala dit: et abaisse ton aile pour les croyants. Sourate 15, verset 88. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Sourate 3, verset 159. 693. D'après Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: protégez-vous donc du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date offerte ou donnée en aumône, et que celui qui n'en trouve pas se contente d'une bonne parole. Al-Bukhari et Muslim. 694. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: et la bonne parole est une aumône. Al-Bukhari et Muslim. 695. Abu Dharr, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: ne méprise aucune bonne action, pas même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Muslim. 695.